Bonjour à tous, donc on va commencer l'éducation populaire. Notre première intervention, ça va être Hélène et Daniel qui viennent nous parler du boycott actif de l'élection présidentielle. Et juste avant de leur passer la parole, je vous rappelle qu'on a une boîte à questions auxquelles on répond tous ensemble le samedi habituellement à 16h. Donc en fait, c'est vos questions que vous déposez anonymement dans des petits papiers et on y répond tous ensemble sans intervenant particulier le samedi le plus souvent. Et je vous annonce aussi que ce week-end, si ça peut vous intéresser, on a deux journées thématiques. Donc samedi, on a une journée thématique sur les traités TAFTA, CETA, TISA et l'Afrique. Donc exceptionnellement, ça commencera à partir de midi jusqu'à 14h. Et dimanche, on a une journée thématique sur les femmes et la violence, les violences faites aux femmes, qui commencera à 14h jusqu'à qui se terminera à 18h, à la heure à laquelle on a notre réunion, auquel vous pouvez tous vous venir discuter avec nous. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Hélène et Daniel. Voilà, merci. Bon, alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est présenter un appel que nous avons rédigé. Il n'y a pas de son ? Bon. Ah oui, d'accord. Donc, nous allons vous présenter expliquer un peu l'appel que nous avons essayé de lancer pour un boycott actif de l'élection présidentielle. Alors, ouais, bon. Préconiser un boycott de ces élections? Bon, il faut. Je pense que, d'une part, bon, le système représentatif est manifestement en crise en France en ce moment, tout le monde le dit, etc. Bon, c'est sûr qu'il y a une longue tradition de critique du système représentatif qui affirme que c'est une espèce de confiscation de la souveraineté populaire, puisque au lieu de prendre en charge directement les problèmes de la société, les citoyens sont invités à déléguer quelqu'un pour 4 ans ou pour 5 ans ou pour 7 ans parfois, sur qui ils n'auront plus aucune prise et qui ne rendra compte qu'au bout de ce mandat. Bon, donc il y a cette critique du système représentatif a été faite déjà au XIXe siècle, en particulier par les anarchistes. Mais il se trouve que aujourd'hui, ce système est manifestement en panne. Il est certain que la situation actuelle rend cette espèce d'imposture que constitue le système représentatif en criante aujourd'hui. Bon, d'une part, bon, il y a le scandale évident du règne de Hollande qui s'est fait élire sur des promesses de gauche, etc. Tout le monde le dit, la finance c'est mon ennemi, etc., etc., etc. Et qui fait la politique du MEDEF en gros, quoi. Bon, donc ça évidemment tout le monde le voit, c'est particulièrement choquant, etc. Et en plus, bon, il se trouve que avec la constitution de la Ve République, qui est déjà une constitution pratiquement bonapartiste, avec un pouvoir exécutif qui est complètement disproportionné, qui est infiniment plus fort que le pouvoir législatif représenté par les députés, on l'a bien vu avec le 49-3, les députés sont pas prêts à marcher droit, eh bien, on adopte une loi qui n'a été votée par personne. Bon. Sous De Gaulle, les députés, on les appelait les godillots parce que quand le chef disait aller à droite, ils allaient à droite. Quand il disait aller à gauche, ils allaient à gauche. Et bon, mais maintenant, on a à peu près le même. On devrait les appeler aussi des godillots. Ça leur ferait pas de mal. D'autre part, bon, ce qui rend aussi complètement disons, évidente l'imposture du système représentatif, c'est le fait que, manifestement, les décisions qui sont prises ne sont pas vraiment prises par les gouvernements des États, elles sont dictées par un certain nombre d'institutions qui représentent en fait le capital, c'est-à-dire ceux qui le possèdent, ceux qui le gèrent, etc., que ce soit les grandes institutions financières internationales, que ce soit la Commission de Bruxelles, que ce soit le MEDEF en France ou la Confindustria en Italie, etc., etc. Bon. Donc, on l'a bien vu, par exemple, avec les référendums sur l'Europe, quand les Français, les Irlandais ou les Hollandais n'ont pas bien voté, eh bien on s'est assis sur leur vote et on l'a fait adopter par des députés qui étaient des godillots. Bon. On l'a vu encore de manière plus criante avec la Grèce, les représentants élus de la Grèce qui avaient été élus pour faire une politique qui n'était pas celle de la Commission et du ministère allemand des Finances, ils ont été traités comme des larbins, et eux-mêmes, au fond, n'avaient pas l'air d'être vraiment persuadés du fait qu'ils étaient légitimes parce que le peuple avait voté pour eux. Bon, donc, tout ça crée, effectivement, rend particulièrement évident le fait que ce système représentatif, dans la mesure où il a fonctionné pendant, disons, un siècle au moins, et qui a abouti quand même à des réformes, et en particulier au droit du travail, on voit bien que maintenant il est complètement, il ne fonctionne plus du tout, même de cette façon biaisée. Alors la loi El Khomri, par exemple, est tout à fait un exemple de ça, puisque en réalité, elle aboutit à rayer d'un trait le résultat de 100 ans à peu près de lutte sociale, de lutte ouvrière, pour encadrer les rapports de force entre classes, qui diminuait un peu le pouvoir des patrons. Bon, ça c'est parfaitement expliqué par un type qui s'appelle Filoche, qui était un ancien, je crois qu'il est encore en activité, qui est contrôleur des lois du travail, et il est à la retraite. Bon, mais, tant mieux pour lui. Bon. Mais voilà, bon. Donc, cette loi qui remplace en fait le règne de la loi par le contrat, c'est-à-dire le contrat négocié directement entre employeur et employé, et on connaît bien le rapport de force qui existe dans les entreprises, même lorsqu'il y a de force syndicale, etc., etc. Finalement, bon, les patrons plus ou moins dictent ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est ça le règne de la loi El Khomri, c'est remplacer la loi par le rapport de force en faveur des patrons. Bon, donc, en fait, dans ces conditions, qu'il y ait primaire ou pas primaire, le choix qu'on aura à faire, c'est entre la peste et le choléra, comme on dit. Donc, parce que de toute façon, il n'y a aucun candidat, à part Mélenchon, mais enfin, on ne peut pas prendre vraiment au sérieux, qui propose autre chose qu'une aggravation de la politique qui a été suivie jusqu'à présent. Bon, à part le Front National, mais n'en parlons pas non plus, parce que, bon, entre la démagogie et le délire, bon, c'est pour ça que nous préconisons de boycotter ces élections pour essayer de délégitimer le président de la République qui sera élu en 17 et la Chambre des députés qui sera aussi élu en même temps et qui sera à sa botte. Bon. Alors maintenant, pourquoi nous parlons de boycott actif? Qu'est-ce que ça veut dire actif dans ce cas-là? D'abord, ça veut dire évidemment essayer de se mobiliser pour répandre cette idée et que de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui connaissent à la fois les raisons pour lesquelles on appelle à ça et qui pratiquement aussi au moins s'abstiennent au moment des élections. Mais c'est pas seulement ça. Ce que nous entendons par actif, c'est l'idée que qu'on remplace la campagne électorale par déjà des réunions entre les gens à la base pour discuter non pas de qui on va envoyer pour gouverner à notre place, mais des véritables problèmes qui se posent à la société et qui concernent évidemment les gens. Alors, bon, donc, essayer d'amorcer le passage d'une démocratie représentative à une démocratie directe, en tout cas par les réunions, par les discussions, comme il s'en fait ici, quand il y a du monde. Voilà. C'est ça ce que nous entendons aussi par actif. Et donc, en fait, essayer d'entamer un processus d'organisation, d'auto-organisation pour essayer de résoudre les vrais problèmes de la société. Et en particulier, alors je crois qu'il est important d'insister sur un problème énorme qui concerne pas la France seulement, mais le monde entier, qui est la crise écologique. La crise écologique, à mon avis, elle ne sera résolue que précisément si, par une véritable démocratie à la base, qui rendra les gens véritablement, parce qu'actuellement, leur serine, vous êtes très, qui c'est leur responsabilité, si l'eau est polluée, si la bouffe est empoisonnée, etc. Bon. Mais, donc, il faut que les gens aient à la fois le pouvoir réel sur la situation et de manière à ce qu'ils soient véritablement responsables. Et voilà. Donc, je pense que la crise écologique ne sera sûrement pas résolue par le régime actuel qui, comme on le voit, comme je le disais, bon, est obéi essentiellement aux injonctions et aux intérêts du grand capital, en gros. D'ailleurs, on l'a bien vu, je veux dire, la conférence de Paris a abouti à des résolutions qui, évidemment, ne seront jamais appliquées quant à la réduction des gaz à effet de serre. On voit que, sur un plan, par exemple, comme celui des pesticides, quand on voit que Bayer rachète Monsanto, c'est qu'il compte bien qu'on ne va pas interdire le Roundup et qu'on ne va pas l'empêcher de vendre des semences OGM. Donc, je veux dire que tout va dans un sens opposé à celui de la solution de la crise écologique. Donc, je veux dire, il faut vraiment que les gens prennent le pouvoir sur cette question. Parce que sinon, elle ne sera jamais résolue et ce sera absolument catastrophique. Parce qu'en plus, il ne s'agit pas simplement de défendre la nature, bon, comme les gentils verts, enfin, peut-être plus maintenant, ils n'en sont plus là, mais ce n'est pas l'environnement qui est attaqué, c'est nous-mêmes. Je veux dire, c'est notre bouffe, c'est nos médicaments, c'est nos... etc. C'est notre santé, c'est les enfants, enfin bon. Donc, je veux dire, il ne s'agit plus de défendre la nature, il s'agit de nous défendre nous-mêmes contre cette espèce de peste capitaliste qui est en train de détruire la planète. Voilà, bon, c'est un peu... évidemment, c'est pas par cet appel au boycott actif qu'on va résoudre. Mais enfin, bon, c'est pour indiquer un peu dans quel sens on pense qu'il faudrait aller plutôt que de participer passivement ou activement à la campagne électorale. Voilà. En gros, des objections, etc. Bon, je passe le micro à qui veut. Pardon ? J'ai fait la guerre. À quel point on en est arrivé? Alors, c'est la gauche, ça va pas. C'est la droite, ça va pas. C'est la gauche, ça va pas. C'est la droite, ça va pas. Il reste qu'un parti, je regrette infiniment, qu'il faut essayer. On verra bien. Essayez le Front National, madame. Ah, quelqu'un veut répondre? Oui, c'est José Bové sans condition qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que lui, il va être une alternative vraiment puissante puisqu'il connaît. Il connaît ce qu'il fait. Depuis longtemps, il milite pour notre bien-être parce qu'en fait, il milite pour la bouffe saine, il milite contre les OGM, il milite contre les pesticides. Donc, il est déjà dans le bon chemin depuis un bon moment. Donc, pourquoi ne pas essayer de le mettre directement pour l'élire président? Parce que lui, il le mérite réellement. Voilà. Donc, c'est la seule alternative qui soit envisageable pour l'instant. C'est pour éviter le pire. Voilà. Pour éviter le pire, c'est le seul qui soit alternatif parce qu'on a vu ce qui se passe en Autriche. En Autriche, là-bas, les écolos sont passés. Mais ils étaient à deux doigts d'être battus par la droite. Voilà, donc, voilà. juste un peu, ok. Exprimez-vous. Non, non. Eh bien, alors, donnez-moi une personne, là, ce que vous dites, là, les, comment on a, les écolos. Qui est-ce qui pourrait se présenter comme écolo à la tête? Ben, justement, on est en train de dire que il ne faut pas faire confiance à une personne, à l'homme ou à la femme de la Providence. Hein? C'est exactement le cœur de la question. Qu'il s'agisse d'une brave dame qui nous repropose les valeurs de la France éternelle de Monsieur Pétain, hein, qu'on a déjà essayé, c'est pas la peine de se retrouver là-dedans, et ou alors d'autres personnes qui utilisent le même mécanisme, parce que la question que Daniel était en train de poser est la question du mécanisme de fond. Hein. Vous, messieurs, vous ne demandez pas à quelqu'un de pisser à votre place. Vous lui demandez de penser et de décider à votre place, ce qui est une fonction physiologique essentielle. Hein. Donc, nous on dit, les gens ont besoin de penser, de réfléchir ensemble, de discuter ensemble et de décider ensemble sans déléguer à personne la nécessité de prendre des décisions. Regardez par exemple, bon, je fais un exemple au hasard, hein, la question du nucléaire. Hein, là, on a décidé sur la tête de tout le monde que dans ce pays, on pourrait avoir une catastrophe comme il y en a eu à Tchernobyl, comme il y en a eu à Fukushima, comme il y en a eu à Three Mile Island et d'autres, hein, et personne n'a pu donner son avis là-dessus. Et on continue. Et encore, on nous repropose de prolonger l'histoire pendant 10 ans. On nous avait dit, dans les années 60, qu'il y aurait un accident majeur tous les 100 000 ans. Il y en a eu un tous les 25 ans. Est-ce qu'on peut faire confiance à des criminels comme ceux qui ont décidé ce genre de choses? Et ça allait de la droite la plus extrême à la gauche, soi-disant extrême, qui voulait la même chose. C'est une raison pour remettre en cause ce type de mécanisme et pas pour dire on va changer le virgule. Non, je voulais juste dire que, bon, moi je trouve José Bové très sympathique, mais la question n'est justement pas là. On ne va pas lui faire... qu'il participe tant qu'on discute avec lui, qu'il participe à nous organiser, à ce qu'on s'organise pour défendre les idées qu'il a et d'autres. Mais on ne va pas lui faire confiance pour qu'il soit installé dans un système institutionnel qui, de toute façon, l'empêchera de faire quoi que ce soit. Bon, ça, c'est d'une part sur un plan réaliste, mais sur le plan des principes, sur le plan des principes, attendez, pardon, je vous passe le micro. Le plan des principes, on est contre l'homme providentiel, que ce soit José Bové, que ce soit... J'aurais une question pour vous, c'est que l'idée de ne pas avoir quelqu'un qui représente tout le monde, mais plusieurs personnes, c'est une bonne idée, mais finalement, on se retrouverait pas un peu dans la même chose, parce que les personnes, il faudrait les élire pour les réunir. Bon, la question n'est... Bon, en ce moment, il y a plein de gens qui cogitent sur des trucs. Un truc qui arriverait à sauver le système représentatif en se mettant à plusieurs, en inventant, en élisant quelqu'un qui consulterait sa base. Mais au fond, c'est pour continuer dans la même voie. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. C'est que il faut que les gens soient responsabilisés. Il faut qu'il y ait un système où les gens prennent les décisions qui les concernent eux-mêmes et ne mettent rien entre les mains d'un homme ou d'une femme providentielle pendant 5 ans. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Monsieur. Il y a un domaine qui n'est jamais abordé, c'est la politique extérieure de la France. Et ça, moi, quand au moins quand on me dit que ces gens me représentent, eh bien, ça me rend fou de rage. Parce que la France renoue avec un passé impérialiste, un passé colonialiste, avec des va-t-en-guerre. Et ça, c'est le PS. Le PS a fait toutes les guerres coloniales. Le PS, l'impérialisme, ils l'ont défendu partout. Alors, comment peut-on faire confiance à ces gens ? Maintenant, c'est gauche et droite, maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant, il faut commencer à dire, hein, droite ou gauche, c'est la même chose. Donc maintenant, il faut commencer à dire, ça suffit, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer en Autriche. C'est ce qui s'est passé en Autriche. En Autriche, on s'est trouvé avec un candidat d'extrême droite et un écologiste. Donc ici, il peut y avoir la même alternative. Ça peut être dans le même schéma. Donc il faut choisir un leader d'entrée. Il faut chercher un leader pour pouvoir, au minimum, remonter une structure qui fonctionne à peu près correctement. Je ne dis pas que ça fera des merveilles, parce que le système, il est là. Il y a des ministères, il y a des gens partout qui sont installés, qui sont en place et qui ne changeront pas du jour au lendemain. Ça ne faut pas rêver. Donc, ce serait fantasmé de penser que ça va changer comme ça. Parce qu'il faut déjà que les gens veuillent changer en eux-mêmes pour pouvoir changer ce qui se passe ici. Voilà. Donc, après, ça paraît bien joli à dire, mais c'est ça qu'il faut faire. Alors, il y a juste le monsieur avant, après je vous passe la parole. Bon, pour moi, le boycottage au niveau des élections, pour moi, ça m'intéresse parce que, bon, on a un parti de droite, on a un parti de gauche, on a extrême droite, extrême gauche, mais on a oublié aussi les communistes. Pour moi, si on revient à l'époque de mai 68 sous le gouvernement du général de Gaulle, c'était quand même un gouvernement de communistes à la base. Où là, il y a quand même eu deux jours en 68 pour se faire entendre dans les rues. Ça a été de la caillasse complètement. C'était la révolution complète en France par rapport à tout ce qu'il y a eu. Si on doit se faire entendre pour relever les pierres et à tout casser et relever des voitures comme il s'est passé en mai 68 pour boycotter les élections présidentielles, je pense qu'on devrait le faire. Mais sinon, on peut avoir aussi autre chose, c'est boycotter l'euro 2016. Parce que si on peut boycotter l'euro 2016, on peut au moins se faire gagner au niveau du boycottage d'élections et après pouvoir se faire entendre par tous les pays. Vous savez, vous avez eu en Espagne, le roi d'Espagne a arrêté de pouvoir donner son mot par rapport à son peuple, mais maintenant c'est son peuple qui donne son nom et son mot dernier par rapport aux indignés. Si on veut parler par rapport en France, si on se retrouve tous ensemble et qu'on fait comme les indignés ils ont fait en Espagne, je pense qu'on pourrait renverser le gouvernement et pouvoir avoir un gouvernement correct et droit, ce qui est pas très facile parce que, bon, moi je vais dire, on peut mettre Anne Hidalgo, on peut mettre Hollande, on peut mettre tous les politiciens qu'il y a. Moi je vais dire, je les mets dans un conteneur ou dans une benne et je les emmène à une déchetterie pour pouvoir être tranquille. Parce que franchement, on tombe sur un gouvernement depuis le changement, dont mai 68 qui s'est créé et le droit de la femme. Comme le monsieur qui a parlé, je ne sais pas c'est qui a parlé, qui a dit que c'était un pays qui est devenu individualiste, égoïste et matérialiste, ce qui est vrai, parce que on vit dans une vie de capitalisme. Le capital, c'est con. Si c'est l'argent, sans argent, on n'a rien. Pourquoi pas revenir à l'époque au niveau du troc ? Le troc, c'est-à-dire tu troques, allez, on va dire un parapluie pour un sandwich, ou même une cigarette pour une bouteille de vin. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle du troc. Et pour moi, dans certains pays comme en Amérique du Sud, j'y suis parti étant gamin, et je m'en rappelle, c'était à l'époque de l'ambassade du Japon où on a été rapatriés, nous les Français, en urgence. Et là-bas, le troc existe encore entre villages. En Afrique aussi, bien sûr, ça existe encore. Mais en France, ça n'existe plus parce que c'est devenu un pays capitalisme. Si on enlève ce capitalisme, on enlèvera tout et on aura tout gagné pour nous. Parce que faut arrêter. Moi, je suis de la commission SDF. Hier, on a eu quand même un rendez-vous avec Monsieur Brossa et Ma Versini, qui est les adjoints au maire de la mairie de Paris, de l'action au logement et de l'action de l'hébergement et de l'action sociale. Et il se passe que tout simplement, c'est des personnes, où Versigny est communiste et qui comprend très bien la situation de l'aide au logement. Mais Versigny est une personne qui a retourné sa veste à l'époque, au moment de Madame Hidalgo, ou qui est de PS, bien sûr, et qui a retourné sa veste, au lieu de passer à la droite, de rester sur sa droite, bah, elle est passée sur la gauche, qu'on appelle maintenant la gauche caviar. Merci Versigny de pouvoir nous mettre des bâtons dans les roues, mais moi je dirais tout simplement, tout le gouvernement, il essaye de vouloir diriger son peuple, parce que tout simplement, c'est des actionnaires qui décident, c'est pas eux-mêmes. Et les actionnaires, c'est eux qu'on doit taper. C'est pas en lui-même le gouvernement, mais c'est des actionnaires qu'on doit taper. C'est-à-dire les actionnaires, ça peut être l'actionnaire de McDo, comme l'actionnaire de Quick, ou KFC, ou même le grand actionnaire de la FNAC qui a racheté Darty il y a dernièrement, avec des milliards d'euros, bien sûr, ou même autre grosse enseigne qui existe en France, ou même dans tout pays, parce que les actionnaires, il y en a plein. C'est des milliards d'euros qui touchent. Ils sont assis dans un canapé tranquillement à regarder un grand écran plasma de je ne sais pas combien de centimètres, mais à la fin du compte, ils ne voient pas la réalité en France. Ils ne voient pas la réalité et la pauvreté dans tout le monde entier. C'est ça qui devient grave. Là, on est en colère, on est en train de se relever. J'espère qu'on continuera à pouvoir se relever, à pouvoir avancer tous ensemble. Au niveau du pouvoir, moi je dis le pouvoir, faudrait l'écraser tous ensemble. On était 70 hier, j'attendais plus de 100 personnes. Bon, il y en a qui disent, bah, oui je peux venir, parce que voilà. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas venir parce que je sais qu'ils travaillent ou autre chose. Et ça c'est important. Le rassemblement qu'on a eu, c'est un rassemblement de paix, d'amour. Et tout simplement de joie. On a rigolé, on a joué ensemble, on a chanté, on a eu des dialogues assez importants pour se faire entendre, pour le logement, pour les hébergements, pour les domiciliations, pour aussi la répression contre les violences policières sur les sans-logis qui existent tous les jours. Mais ça, vous ne le voyez pas, vous qui dormez à l'intérieur. Nous, on le voit tous les jours. On le voit à longueur de journée, les répressions policières au niveau de la violence. Hier, il y a encore eu un copain qui est à la rue, qui s'est fait attraper malmené au niveau de la place de la République, juste en face de Léon de Bruxelles. Et cette personne n'avait rien fait. Peut-être elle avait 0,92 dans le sang, mais elle n'avait rien fait, au contraire. Elle était là pour se défendre. Mais malheureusement, vous savez, quand on dit la justice, elle est nulle part. C'est vrai. Parce qu'il n'y a aucune justice en France. Aux États-Unis, partout, on oublie qu'en France, on a de la chance par rapport à certains pays où il y a des pays qui n'ont pas le droit à la CMU, qui n'ont pas le droit au RSA et qui n'ont pas le droit au chômage. Nous, on a le droit à tout, on doit se battre pour ça, on doit se battre pour des règles, des lois qui ont été créées, mais il y a des lois, c'est trop abusé, comme la loi du travail de Mme Colombry, ainsi que M. Valls. Alors maintenant, moi je dis tout simplement, je vais conclure la chose, si on se relève tous et qu'on arrive à pouvoir engager et se déplacer au niveau de l'Élysée tous ensemble, on sera peut-être des milliards, je pense, ça serait magnifique, et pouvoir se faire entendre devant Monsieur Hollande qui nous prend pour des pingouins. Mais malheureusement, moi je l'appelle tout simplement le gros bourricot. Merci. Oui, moi, je voudrais revenir sur ce qui est le sujet officiel de ce rassemblement pour un boycott actif de l'élection présidentielle. Et je voudrais répondre au monsieur qui est déjà parti, qui voulait un leader, qui voulait qu'on se trouve un leader pour les prochaines élections. Un leader qui soit ni de gauche ni de droite, mais un vrai, quoi. Bon, alors le monsieur ne m'écoute pas, mais tant pis, je vais quand même le dire. Non, c'est le monsieur qui est là-bas. Le leader, c'est ce qu'on appelle un chef en français, c'est ce qu'on appelle un duce en italien. Ça vous dit quelque chose, le duce? Oui. Ben oui, mais le duce italien, il a commencé comme un grand radical, hein, je vous rappelle. C'était un socialiste radical qui s'est installé au pouvoir en s'en prenant au régime institué, en s'en prenant aux possédants, etc. Donc, bon, hein, pour... Je pense que l'idée de demander un leader, attention à ce qu'on dit, quand même. Bon, il me semble que le problème qui est posé, c'est le problème du système représentatif. Bon, et le système, il me semble que ici, à Nuit Debout, il y a quand même des expériences qui se font, qui quelque part posent aussi cette question. Mais... la question de la représentation, le problème de la représentation tel qu'il est posé, c'est qu'on demande à quelqu'un, à qui on donne un blanc-seing, de soi-disant nous représenter. Alors on peut être pas du tout d'accord sur la façon dont il nous représente, dans ce cas-là on dit qu'il est un traître, mais toujours est-il qu'on accepte, en lui donnant son bulletin de vote, on accepte de lui donner un blanc-seing. Et c'est bien ça le problème. Alors, je dis... Non mais je vais pas vous répondre d'abord, À Nuit Debout, je pense qu'il y a, il y a un premier pas qui est fait, qui est quand même, qui va un peu dans le sens de ce qu'on aimerait promouvoir, c'est qu'on se réunit, on discute, on pense ensemble. Ça, c'est le premier pas. Mais la question qui est posée, si on veut autre chose qu'un système représentatif, c'est le fait de trouver les moyens de prendre les décisions collectivement à la base sur tous les sujets qui nous concernent. Les sujets qui nous concernent, ça peut être évidemment, comme le logement, ça peut être comment on se nourrit, comment on construit la ville, toutes ces questions qui sont les questions de la vie quotidienne. Et j'ai l'impression qu'à Nuit Debout, c'est un peu l'interrogation qui manque, c'est qu'à un moment, on se dit ce qu'on ne veut pas, ce que serait un monde différent, mais on se pose rarement la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour essayer d'imposer nos propres solutions. Comment... Et c'est la discussion qu'il faut avoir. Moi, je ne dis pas que j'ai de solution, mais c'est une réflexion collective qu'il faut mener. Et sans doute qu'à un moment donné, il faut déléguer des décisions, déléguer des gens à une instance de discussion supérieure et de prise de décision supérieure, de façon à ce qu'on change à un moment d'échelle. Mais déléguer quelqu'un avec un mandat précis, en lui disant « voilà ce qui a été décidé à tel niveau » et voilà ce que tu dois porter au niveau supérieur, ce qu'on appelle un mandatement, c'est pas du tout le même principe que le principe de la représentation, où on élit quelqu'un qui est supposé nous représenter et qui ensuite a les mains libres pour faire absolument ce qu'il veut. Moi, je pense que il faut répondre autrement que par une sorte... Oui, je pense qu'il faut répondre autrement que par une sorte d'effarouchement au monsieur qui nous a dit, à savoir vous, droite, gauche, droite, il y a une troisième solution. Cette troisième solution, on doit expliquer à la fois... quels sont les dangers qu'elle représente et aussi dire en quoi elle est de la même façon illusoire. La première chose, c'est que c'est extrêmement pénible d'avoir effectivement droite, gauche, etc. Ça sera sûrement encore plus pénible d'avoir droite, extrême droite, droite, extrême droite, droite, extrême droite. Alors, le problème de essayer, il a bien, le premier argument, il a été quand même relativement bien développé contre la représentation. Le deuxième argument contre le sauveur, la personne qui va nous sortir grâce à sa puissance charismatique ou à sa personnalité du marasme dans lequel nous nous trouvons. Le troisième point sur lequel je crois il faut véritablement insister, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, lorsque on prend des décisions collectivement, de mandater une personne, une personnalité, un chef, un leader. Il s'agit de mandater des idées. La personne qui est mandatée, elle est simplement porteuse des idées qui ont été émises par un collectif et elle n'a d'autres fonctions, en aucun cas elle ne peut être une personne professionnelle de la chose, elle n'a que pour fonction de porter à une instance qui est supérieure et qui est elle-même composée de mêmes gens mandatés qui sont porteurs d'idées et non pas de personnalités ou forcément de programmes issus de partis. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer que probablement une des raisons qui vous font souhaité qu'il y ait cette troisième solution. C'est des raisons qui ont été insidieusement répandues dans la société, que l'immigration était en grande partie responsable des maux de cette société, qui est une idée, à mon avis, absolument fausse. Et je voudrais simplement vous faire remarquer, faire savoir que, par exemple, Monsieur Le Pen, donc le père de Marine Le Pen, au moment où il commençait à, son parti commençait à prendre un peu d'ampleur, il a fait un superbe héritage des cimenteries Lambert. Ça représentait à l'époque des sommes absolument colossales. Or, ces cimenteries Lambert, elles sont très grandes importatrices de main-d'œuvre immigrée, de main-d'œuvre surexploitée et sous-payée, et il est fort probable que dans une situation où le pouvoir exécutif est surplombé de très haut par des forces mondiales qui sont les forces de la finance, les forces du capital mondialisé, qui sont des forces décisives, qui sont justement des puissances qui ne sont absolument jamais élus, absolument inaccessibles, pas consultables, qui travaillent dans le secret et qui rendent la plupart des pouvoirs exécutifs des pouvoirs exécutants, il est fort probable que dans ce cadre-là, la marge de manœuvre de l'extrême droite sera à peu près aussi réduite, et en tout cas elle restera dans la même optique, l'optique du capitalisme, d'un capitalisme probablement aussi très violent, très fort, qui prendra encore plus de distance avec bon un certain nombre de libertés constitutives de nos sociétés auxquelles quand même nous tenons. Et le dernier point que je souhaiterais aborder, c'est que les peurs que vous pouvez avoir, elles sont instrumentalisées. Les peurs que vous ressentez devant l'effroi de la société, ce qui vous fait peur, qui n'est probablement pas la même chose que ce qui me fait peur, mais néanmoins, il faut quand même en tenir compte. Ces peurs, pour l'instant, c'est l'instrument de s'emparer du pouvoir, et le jour où ces gens seront au pouvoir, évidemment, ils y seront, mais vos peurs resteront. Et on peut simplement dire que s'il y a un lieu où collectivement ça, elles peuvent disparaître, c'est dans le fait que à la base, dans une forme de démocratie directe, on puisse se parler. Et d'ailleurs, je dois dire que ben, vous êtes resté et on se parle. Et je crois que c'est important qu'on se parle et qu'on n'ait pas de mépris par rapport à ces questions-là, et surtout pas simplement une question de retrait, dire ah, bah, c'est le Front National, donc on ne discute plus avec vous. Si nous continuons à discuter avec tout le monde, il faut qu'on discute avec tout le monde, avec ces millions de gens qui sont dégoûtés et qui pensent de façon illusoire, je crois, que la solution, c'est l'homme fort. C'est pas l'homme fort la solution, c'est que nous puissions nous parler et que nous puissions sortir collectivement de nos peurs, d'abord en les exprimant et en voyant si au fond, avec l'Assemblée qui est là, il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors je passe la parole à ce monsieur. Oui, bonjour. Moi je pense oui, pardon, on ne parle pas tous les jours au micro, excusez-moi. La question que je me pose beaucoup là, à écouter depuis une demi-heure, est celle-ci. C'est qu'on parle d'une situation qui est existante. On ne se projette pas, nu debout, et pour se projeter dans l'avenir, ce que j'ai cru comprendre, je suis un provincial, j'ai fait 600 km pour venir voir un peu qu'est-ce qui se passait à Paris, et participer aussi à un autre objet, mais qui est au cœur du débat, étant donné qu'on a parlé tout à l'heure de boycott, je ne sais plus comment vous appelez ça, actif. Alors on pourrait en discuter, peut-être je vais y revenir. Donc il y a là donc un besoin qui existe en dehors de Nuit Debout, avec tout le respect que je leur dois depuis deux mois qu'ils sont ici dans la lutte, mais ailleurs aussi dans les provinces, avec des moyens, on fait ce qu'on peut. Mais ce qui me chagrine le plus dans cette affaire, c'est qu'on a abordé beaucoup de choses, on a passé le passé. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé longtemps sur 68. J'étais déjà un homme en 68 et je peux vous dire que les choses n'étaient pas du tout ce qui a été traduit tout à l'heure. Il n'y a pas eu de pouvoir communiste, il n'y a pas eu de rien du tout. Au contraire, on a été roulé dans la farine en 68 et il y a eu un déclin de la démocratie et de même s'il y a eu des avantages. Il ne s'agit pas de nier les avantages sociaux, mais on ne change pas aujourd'hui. Ce qui est en cause aujourd'hui, je crois, ce n'est pas savoir. Bien sûr qu'il y a le salaire, il y a bien sûr qu'il y a un toit, mais il y a un besoin important de changer le système. C'est ça le cœur de l'affaire. Et le cœur de l'affaire, il est absent. Je trouve, dans mon avis, parce que c'est en se projetant et n'ayant pas peur des mots. Alors. J'entends ici et là, pas en province, je viens à Paris, on parle de Le Pen comme si c'était une affaire courante, mais je dirais, et si on parlait de Mélenchon? On dirait, ah, on parle pas de Mélenchon. Pourquoi on parlerait pas de Mélenchon et on parle de Le Pen? Ah, bonne question. On a parlé tout à l'heure, possibilité de droite, d'extrême droite, gauche, droite, extrême droite, extrême droite, droite, gauche, extrême gauche, mais non, mais il y a des possibilités. Alors, à ce cas notamment par des positions dont l'éventail se trouve de plus en plus grand, ce qui est une 6e République, parce que la crise d'aujourd'hui, elle est en même temps liée à la 5e. Je suis né à la politique, figurez-vous, avec la 5e. Hein, on était en 1958, pour les plus anciens, 1958, on sait ce qu'on sait, ce qu'on s'est battu, on défilait dans la rue, à bas le fascisme ne passera pas, on défilait dans la rue. Alors on en a vu des choses depuis 1958, enfin moi j'en ai vu et d'autres avec moi. Alors, tout ça, bon, on regarde un peu dans le rétroviseur, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On évacue ça. Depuis que je suis là, il n'y a pas un projet. Alors je viens sur la 6e. Allons-y sur la 6e. Beaucoup de bouche ouvre. Il y a des partis, il y a des hommes, il y a des associations. Et le système est là. C'est-à-dire, vers la 6e, à travers la 6e, il y a la possibilité d'une nouvelle constituante. Alors elle fait ses bruits. On l'entend ici et là. La constituante me paraît un moyen, alors au cœur de la Nuit Debout, d'après ce que j'ai compris, de loin de ce qui se passe, c'est-à-dire de projeter un choix plus grand dans les élus dans lesquels on peut aussi projeter. Hein, j'ai écouté hier, par exemple, un exemple qui n'est quand même pas un monsieur qui était intéressant, que j'ai écouté hier, profitant de mon passage à Paris, comme je disais, c'était Jean Testard qui parlait hier soir de par exemple de la représentation directe qu'on ne peut pas non plus rejeter tout en faisant de la révocabilité, je crois, ne pas me prononcer, dans certains élus. Voilà des choses qu'il est temps de mettre en place, et à travers une 6e, c'est le fondement même. Et je crois que vraiment, enfin, je ne vais pas trop prolonger, parce que moi, c'est l'idée claire. Moi, je regarde un peu le passé, beaucoup le passé, même, on apprend beaucoup en lisant, mais je regarde aujourd'hui et je regarde demain, et demain, j'ai l'impression qu'on hésite, dans le débat, à se projeter d'une manière osée. Alors, est-ce que c'est l'âge qui me fait ne pas avoir peur? Est-ce que la jeunesse a moins peur? Je ne sais pas. C'est à eux de répondre. C'est aux plus jeunes, certainement, qui apporteront une réponse. Au demain, c'est pas. Moi, je le porterai à mes petits moyens. Merci. Alors. D'accord. Alors, il reste 10 minutes. Donc, monsieur, vous allez répondre rapidement à ce que vous avez déjà parlé. Ensuite, ça sera ce monsieur. D'accord, ok. Je vais vous répondre. Très rapidement, aux deux finalement. Monsieur dit il faut changer de système et il dit en même temps quelque chose d'éminemment contradictoire, c'est-à-dire que les partis sont éventuellement porteurs dans un programme d'un changement de système, et notamment en créant cette constitution pour une 6e République. Donc les partis sont structurés de telle façon qu'ils ont le même type de structuration que le pouvoir exécutif, donc et le même, ils opèrent le même type de confiscation Si il y a une 6e République, elle sera probablement issue non pas d'une décision prise par un parti, mais d'une décision prise par la puissance de la volonté populaire, puisque au fond, c'est quand même la volonté populaire qui avait amené ça. La question de changer le système, elle suppose effectivement que l'on reprenne à la base le système d'échange et la possibilité de gouverner nos propres vies par nous-mêmes. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je prends le micro, c'est simplement pour intervenir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Changer de système, c'est bien beau. Hein. Je fais partie, je suis à Nu Debout depuis pratiquement le départ. Et jusqu'à présent, j'entends changer de système, changer de politique. C'est bien beau. On veut plus de la politique là à l'heure actuelle. Mais si on veut plus de la politique et qu'on veut la changer, il faut quelqu'un à présenter. Mais il n'y a personne. Alors, monsieur, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait des droits. Alors, dans ces cas-là, ne dites rien. Non, mais attendez. Ce que je veux dire par là, c'est bien beau. Je participais à Nuit Debout. Je pense que certains m'ont vu déjà au restaurant. Hein, je m'occupais de la restauration, je donnais un coup de main. Mais j'ai lâché un peu l'affaire parce que j'ai des raisons personnelles. Mais quelque part, en réfléchissant, en prenant du recul, quand vous regardez bien, moi je veux bien participer à ce soulèvement. Je veux bien participer à ce renversement. Mais le problème, on fait quoi et qu'est-ce qu'on met en place? Et qui c'est qu'on met en place? Là est toute la question. Bon. Eh bien, écoutez, d'abord, moi, je ne vais pas vous faire un récital. Je vais simplement vous dire ce que je ressens en tant que citoyen. D'abord, eh ben, la Nuit Debout, elle existe, c'est bien, parce que ça nous permet de nous rencontrer. Deuxièmement, on va partir de choses simples. Qu'est-ce qu'est la République ? Ben, la République, on dit, oui, on est en République, oui. La République, elle a ses limites. Et puis, quelquefois, voyez-vous, c'est pas toujours la République qu'on veut. La démocratie, elle est jamais bloquée. Elle est en fonction d'événements, etc. Donc, je suis né en 1942. La Cinquième République, je l'ai vue venir. En 1960, il y a un parti politique qui a dit « Attention à la bombe à retardement que vous allez avoir avec la Cinquième République ». Nous l'avons, la bombe à retardement. Donc déjà, la Cinquième République, il faut la changer. Il faut la changer. Elle ne tient plus. Pourquoi ? Et j'ai entendu parler, il nous faut quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qui a dit ça ? Napoléon ? Qui a dit ça ? Boulanger ? Qui a dit ça ? Pétain, on n'a pas besoin de personne, de Gaulle, pardon, j'ai pas tout à fait terminé, je vous ai laissé causer. Et voilà, pourquoi il faut le sauveur ? Non, le peuple, ça sera le peuple qui décidera. Le problème, c'est que la politique actuelle, c'est que le système de la Ve République est un système faussé. Et il faut en changer au point de vue élection. Il faut la proportionnelle, de façon que tout le monde soit représenté. C'est ça l'important. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit pointer ? Marine Le Pen ? La personnalité encore. Qu'est-ce qu'on voit pointer ? Je sais pas moi. Ben, il y a même Mélenchon. Il s'est déclaré, lui, Mélenchon, qu'il était le candidat comme ça. Même son parti n'était pas au courant. Le sauveur suprême, allons-y, on a payé avec le sauveur suprême, comprenez ? Eh bien, il faut revenir, oui, à des élections, des vraies élections, à la proportionnelle, où tout le monde sera représenté. Alors après, qu'il y ait une assemblée constituante, c'est tout à fait normal. Mais monsieur, tout à l'heure, il a dit, il faut essayer autre chose. Et on évoquait l'extrême droite. Il faut essayer peut-être l'extrême droite. Mais on l'a essayé, monsieur. L'histoire a fait voir ce que c'était que l'extrême droite. Et l'histoire l'a fait voir aussi à Toulon. À Toulon, avec le chevalier. L'histoire le fait voir à Orange. L'histoire, et c'est la vérité. Et pourquoi Le Pen... Ah, mais j'arrêterai pas. Le Pen... Là, je vais arrêter. Le Pen, il a jamais remis en cause le système capitaliste, parce qu'il faut le dire, le système capitaliste, par le libéralisme, par-ci et par-là, eh ben, il arrive au bout du rouleau et on voit la misère. Et on voit la misère qu'elle entraîne. Et tant qu'il y aura ce doute, parce que entre nous, je suis d'une génération de l'Algérie, moi. Vous voyez, de la guerre d'Algérie. On nous a enseigné que la guerre d'Algérie avait commencé en 1954. Eh ben, je suis désolé. Regardez mon bouquin d'histoire. La guerre d'Algérie, elle a commencé en 1830, quand on a été là-bas. Rapidement, parce qu'il reste... Oui. Ben, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, mais surtout je suis d'accord avec monsieur qui tout à l'heure il a fait une intervention. Le cœur du débat, le vrai débat, ça demande changement de le système, changement de société. Mais tout le monde parle comme monsieur, je pense qu'il est partisan de Front National, c'est un parti fasciste déjà. Alors, on sait très bien que le parti fasciste, la première fois, ils ont marché vers le pouvoir en 1923 en Italie. Après, en Allemagne, le parti fasciste développe dans toute l'Europe. Et pourquoi? En même temps, ils sont soutenus par la classe bourgeoisie européenne. Mais on ne dit pas clairement, ils sont eurosceptiques, mais ils ont besoin de le chien de garde. Parce que quand la société devant une explosion sociale, il faut développer toutes les forces conservateurs. Le sens, ça commence en Amérique, on développe l'église scientifologique, l'église évangélique et tout ça. Et puis les autres forces conservateurs, il y a un rapport direct entre... le dominant entre les partis fascistes. Mais eux aussi, ils ont l'expérience, parce qu'ils ont tiré finalement l'expérience. Maintenant, leur laisse dans leurs mains. Ils ne leur laissent pas le chien. Ils disent, voilà, votre frontière jusqu'à ici. La raison, ça vient d'où? La raison est inégalité économique, inégalité sociale, ouverture de la frontière, immigration, la pauvreté, des licenciements, des localisations. Grande partie de classe populaire sont manipulées par les idées fascho. Les gens, ils disaient extrême à droite. De toute façon, il n'y a pas d'extrême à gauche en France. Il y avait qu'Action Directe à une époque. C'est tout. Alors, il ne faut pas mancher le mot. Il faut créer un rapport entre le système économique et puis une autre société. On a changé la République. Première République, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On peut créer un sixième aussi. Mais ça dépend de le rapport de force. Finalement, les classes populaires, ils ont une immense force. Mais ils ont prisonné dans leur cerveau. Ils ont manipulé par les partis actuels. Pour ça, il faut dire clairement, si on ne change pas le base, c'est le système économique. Il y a un rapport entre le système économique, système politique, la constitution, les lois économiques, les lois sociales et les lois culturelles, la politique culturelle entre toutes les institutions. Pourquoi? Une minorité, il profite. Peut-être c'est pas une oligarchie. Parce que 5 personnes, il ne peut pas faire comme les dieux. Ils ont besoin de prophètes, les anges, tout ça. Finalement, 20%, ils profitent, soit en France, soit en Amérique, soit en Allemagne, soit en Turquie, soit au Maroc. Alors, il faut exproprier tous les riches de tous les pays. Mais ça, c'est un rapport de force. On est capable. On est 2 millions. On est 2 milliards sur la terre. Si on mange le mot, il y a un autre problème. Je ne dis pas que, comment, ni à gauche, ni à droite. Ni à droite, ni à gauche. C'est un argument qui est utilisé par les gens de à droite, Front National. Dans tous ces débats, un argument qu'il utilise. Pour ça, il faut être net. Je suis à gauche. Finalement, on ne peut pas dire qu'on est contre les idéologies. Il y a une idéologie. Dans l'idéologie, il y a un bloc d'idées. À partir du système économique, on peut commencer jusqu'à l'élection, jusqu'à le système économique, jusqu'à système politique, jusqu'à la politique de santé, jusqu'à la politique de culturelle, jusqu'à la politique extérieure, jusqu'à les droits de la femme, jusqu'à l'écologie, tout ça. Pour ça, quand on voit l'expérience qui s'est passée, alors ça changeait quoi? Sauf on a fait le progrès avec la première république. Parce que pourquoi? Le rapport de force a changé. Le deuxième rapport de force a changé. Les classes populaires, ils sont descendus dans l'arène. Et bien quand les bourgeois, ils étaient obligés de changer le nom de leur république. Ils étaient obligés de changer la constitution. Monsieur Titiador, il a dit 68. Il a raison en partie, mais il y a une autre chose. En même temps, il y avait le système de l'Union soviétique. À partir de 90, beaucoup de gens peut-être, ils ont appelé de la chute du mur Berlin. Mais quand ils ont vu qu'il n'y a pas comment une menace contre le système, ils ont commencé à menacer la classe populaire. Ce n'est pas un hasard que les acquis sociaux, que les gens ils disaient on a gagné loi de travail ou tout ça, les autres acquis sociaux dans un siècle, deux siècles, mais l'origine c'est une histoire de lutte de 1000 ans et 2000 ans. Alors, tout le monde critique le capitalisme, mais alternatif, ça peut être un vrai socialisme. Il ne faut pas penser que Parti socialiste, Parti ouvrier, Angleterre et tout ça, ils sont socialistes à gauche. Eux, ils jouent le mot de socialisme. Socialisme, c'est une seule alternative. Il y a un rapport. Les partis qui ils ne ciblent pas l'économie privée, les partis qui ils ne ciblent pas et marché libre, ils sont partis capitalistes. Pour ça, tous les social-démocrates, ils sont une idéologie de à droite, une idéologie de capitaliste. Les gens du peuple, ils doivent faire une rupture d'abord sur l'idée. Les gens de gauche aussi, ils doivent faire. On parle de crise, crise, crise. Il n'y a pas une crise. Sauf il n'y a pas partage de la richesse. Voilà, le dernier, c'est la loi de travail. Ils sont devenus arrogants. Ils sont devenus méprisants. Ils prennent décision sur toute l'humanité à Davos. 7 ou 10 pays, on peut dire l'Amérique, Angleterre, la France, Allemagne, Belgique, Chine. Maintenant, il y a un dossier. Ils prennent décision sur toute la planète. Qui sont-ils? Les multinationales, les riches de tous les pays. Alors, il faut faire un règlement de compte. Il faut exproprier tous les riches de tous les pays. Les peuples, ils sont capables, ils n'ont pas besoin d'un sauveur, ils peuvent décider par eux-mêmes. Les gens qui ils sont faibles, ils cherchent un roi, ils cherchent un sauveur, ils cherchent un dictateur. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça parce qu'on ne vit pas au 18e siècle. Chacun il a minimum une éducation de collège, une éducation de primaire, lycée, université. Entre le peuple, on peut trouver les gens qui ils ont assez capacité. On peut décider par nous-mêmes, on est capable. Les autres débats sont faux, mais c'est triste. Les gens du peuple qui ils suivent Front National ou les Républicains ou tout ça, c'est un cimetière. Vous êtes bien en France, monsieur, vous êtes mal en France. Vous voulez intervenir très rapidement, alors. Juste un petit mot, pour conclure, si on veut. Nous vivons dans un monde où l'exploitation de son prochain, comme le monsieur disait, est la règle de base et on a envie de la remettre en cause. Nous vivons dans un monde où il y a qui décide toujours à la place des autres, que ce soit avec des institutions représentatives particulièrement autoritaires comme en France ou avec des formes un peu plus édulcorées où il y a des formes plus plus vagues, où il y a des pourcentages qui sont un peu plus adhérentes au pourcentage des votants, mais ce n'est pas ça le problème qu'on voulait poser. Nous, on voulait poser un problème qui est à la racine des choses. on disait il faut pas que quelqu'un décide à notre place. C'est ça le fond de la question qu'on voulait poser. Et on s'est dit, on revendique le fait que nous n'avons pas de données. Hein. S'il y a des gens qui ont envie de recettes, ils ont effectivement raison de s'adresser au Sauveur suprême. C'est pas de ce côté-là qu'il faut les chercher. Nous, on se dit, il faut qu'on commence à réfléchir à une chose où, dans cette société, on ne réfléchit pas. On réfléchit toujours en termes de pourcentage de votants de tel monsieur qui serait plus capable de représenter un peu plus ou un peu moins. C'est pas ça le problème qu'on voulait poser. Et on s'est dit, il faut que quelqu'un commence à le faire. Parce que c'est pas en essayant d'avoir une forme de représentation un peu plus citoyen, un peu plus attaché à une vague constitution ou à des formes de tirage au sort. Ce sont tous des aménagements du système actuel. Et de ça, nous, on dit, on n'en veut pas. C'est ça le cœur du problème. Il faut remettre les choses à plat. Il faut recommencer à penser et à discuter ensemble. Et il fallait que quelqu'un commence. Nous, on a commencé. Ensuite, si on arrivera à faire quelque chose de plus, bah, tant mieux. On verra bien ce que ça donne. Et on sait que s'il y a quelque chose qui change, ça changera parce qu'il y a des mouvements sociaux qui les feront se changer. C'est pas les gens qui vont demander nos votes à nos voix à un moment donné l'année prochaine. On a parlé des élections présidentielles parce que c'est la clé de voûte du système, mais c'est l'ensemble des modes de représentation qui sont à remettre en cause. Et je terminerai. Je trouve qu'il y a quand même dans ce débat un petit pas en avant par rapport à la première fois où on a essayé de poser le problème, parce que tout de suite on est tombé sur quelqu'un qui disait « Ah oui, mais si vous proposez une réflexion à partir de la base et surtout sans délégation, vous faites un boulevard pour le Front National !» Ce qui est n'avoir rien compris. Nous, on fait pas un boulevard pour le Front National. Nous, on fait un boulevard pour la réflexion collective et sur le fond des problèmes. Ensuite, on verra bien s'il faudra se battre, comment se défendre du Front National, et c'est pas en élisant un escroc à la place du facho qu'on va y réussir. Merci à tous. Je suis désolée, mais on va devoir passer au créneau suivant. À part s'il y avait vraiment une dernière question, mais très rapide, ou une remarque. Oui, il faut bien voir que le mouvement ouvrier s'est bureaucratisé et tous les organismes auxquels nous avons affaire sont des organismes bureaucratisés. Et les leaders, on prépare des gens au rôle de leader, que ce soit dans le mouvement ouvrier, que ce soit dans les syndicats, que ce soit au sein de l'État par l'ENA, c'est une entreprise. De cette entreprise a lieu, hein. Et donc le problème aussi, c'est que la politique, c'est l'affaire de tous, et c'est pas l'affaire de quelques-uns et qui se professionnalisent et qui en font une profession toute leur vie, avec tous les avantages d'ailleurs que ça leur procure. Et pour être bref et pour terminer, je voudrais dire que tout à l'heure, quand on parlait du socialisme, et on a parlé de ce qui s'est passé en URSS. Ah, mais l'URSS n'était pas un régime socialiste, c'était un régime capitaliste, mais capitaliste d'État. On pourrait dire le caractérisé par un capitalisme bureaucratique d'État, et où là, la bureaucratie avait un rôle absolument prépondérant. C'est ce que je voulais dire, c'est tout. Merci beaucoup.